sais. Tu peux pas payer ton téléphone. Ta belle-mère va mourir, elle va te laisser 10$. Tu le sais pas encore, tu sais. Yeah. Fait que la vie, ça continue.